place qu'il faut apprendre à tomber. Pour apprendre à marcher, je n'ai plus qu'à te remercier. En si peu de temps, tu m'as appris que l'ombre.